Au cours d'une partie de baignade, un de mes camarades, Jasmin Delouche, parle du vieux château des Sablonnières. Je comprends soudain que c'est là que Mone a dû aller jadis.